Exercice 8, page 128. Virlangue. Pas de barbe à papa pour bébé. Pas de barbe à papa pour bébé. Pas de barbe à papa pour bébé.